chapitre 22e, 14. Paulin Broquet acheva, tout en causant avec son lieutenant, de quitter l'uniforme de garçon livreur et de revêtir son costume ordinaire. Puis il demanda à Gabriel : Est-ce que tu as le chien ? Oui, chef. Tu l'as essayé ? Oui, chef. C'est un pauvre diable de chien abandonné, malade, qui a dû être à la tâche, maltraité. C'est un miséreux. Un paria de chien, bonne bête, poil rongé par la gale, vieux, maigre, de bons yeux apeurés, un chien demi-crevé. On l'appelle 14. Pourquoi 14 ? Parce qu'il a dû naître un 13, et que ça ne lui a pas porté bonheur. Ensuite, le vétérinaire l'a déclaré incurable. Il doit, à son avis, claquer dans peu de temps. Bref, ce chien était destiné à l'exécution prochaine, ou aux expériences scientifiques. Car les chiens miséreux, comme les hommes qu'accablent le sort, sont des corps sur lesquels on essaie tout ce qui passe par la tête des savants. Paulin Broquet, d'un geste, interrompit son lieutenant. Allons, mon garçon, ne nous attendrissons pas sur le sort de cette pauvre bête. Nous l'adopterions, ton 14, et nous n'oserions pas lui demander le service que nous attendons de lui. Alors c'est toi ou moi qui serions victimes. Nous accomplissons notre tâche. Pour sauver notre existence, nous risquons la peau d'un chien galeux, qu'on allait martyriser ou abattre. C'est une des nécessités fatales de la vie, pauvre 14. Paulin Broquet ajouta : Demain, nous irons à la baleine. Bien, chef. Je vais encore faire de bons repas au chien. Il n'aura jamais été à pareille fête. Ah, si vous l'aviez vu à la première pâtée que je lui ai donnée. En souriant, le brave Gabriel ajouta : Ça lui semblait tellement fantastique. À cette pauvre bête, de voir devant lui de la pâtée dans une terrine, qu'il ne pouvait croire que ce fût pour lui, qu'il n'osait y mettre son museau. Et quand il eut dévoré un chien affamé, il se sauva comme s'il pensait avoir mal fait, comme s'il avait peur qu'on reprît dans son ventre, pour une fois gonflé, toutes ces bonnes choses, pas faites pour lui. C'est bon, c'est bon. Si tu tiens ce chien, garde-le, mais il m'en faut un autre, à moins que tu ne préfères me voir, moi, prendre la place du chien. Ah, chef, tu comprends, mon garçon, que le prince et le docteur savent maintenant que nous connaissons leur demeure. Naturellement, ils se doutent que nous ne nous en tiendrons pas à cela, que nous allons chercher à profiter de cette découverte pour tenter un coup contre eux. Alors ils ont pris des précautions de garantie, ou sinon ce sont des imbéciles, et ce n'est pas leur cas. Je suis certain qu'ayant reconnu que nous sommes passés par le souterrain, par la cave, ils sont persuadés que nous reprendrons ce même chemin. Donc ils ont dû, c'est toute logique, c'est inévitable, nous tendre un piège dans le souterrain ou dans la cave. Je le crois aussi, chef. Quel piège, quel traquenard, nous ne le savons pas. C'est pour cela que nous avons besoin d'un chien, pour dépister le piège. Il faut que ce chien ait également un certain poids pour faire déclencher ce piège. S'il y en a un qui ne cède qu'au poids d'un homme, Paulin Broquet ajouta. Maintenant, mon garçon, il se peut que nous évitions le piège. Il se peut que les autres aient compté nous prendre autrement, d'une façon que nous ne soupçonnons pas, et que peut-être nous éventrons tout de suite, que nous parviendrons à éviter. Alors ton 14 sera sauvé, et tu pourras le garder. Nous l'enverrons se refaire la villa chez moi, et il y vivra, en petit rentier, ses derniers jours. Pendant que Paulin Broquet préparait son expédition dans la baleine, de leur côté, le docteur Ruger et son ami, le prince Grigoriski, poursuivait comme il le faisait chaque jour leur travail. Ils savaient eux aussi que le détective ne pouvait demeurer longtemps sans profiter de sa découverte, sans tenter un coup contre eux. La dernière aventure des projections devait encore leur donner l'assurance que le détective ne s'endormait pas et continuait la guerre. Donc, il fallait tout prévoir et préparer la défense contre toute nouvelle attaque. Thom Tuig se rendit à la cave. Il tenait à vérifier, lui, les turras. Il vit que ni l'un ni l'autre n'avait fonctionné encore. « Bon, se dit-il, les Broquet ne sont pas encore venus. Mais ils viendront, attendons. » Thom Tuig était persuadé que Paulin Broquet ne pouvait pas ne pas venir. Il l'attendait à coup sûr. De temps en temps, il envoyait son domestique écouter dans l'escalier qui allait à la cave, si aucun cri d'appel, de souffrance ne montait. Lui-même, dans la nuit, descendait et allait non seulement écouter, mais voir si le piège avait fonctionné, si le turra tenait sa proie. Il se pouvait en effet que Paulin Broquet, prisonnier, ne fût plus à même d'appeler, de crier, car Paulin Broquet pouvait être mort. Pendant quelques jours, cet espoir fut déçu. Paulin Broquet était occupé ailleurs, retenu aussi chez le général, et n'avait pu mettre à exécution son projet de revenir dans l'antre de la baleine. Mais Tom Twig était doué de la patience merveilleuse des trappeurs. Il savait qu'il ne perdait rien à attendre. Le gibier, se disait-il, fatalement doit revenir ici. Et pendant ce temps, en effet, Paulin Broquet préparait sa visite, se disposait à retourner dans cette cave, vers ce piège, à tomber dans le Tura. Mais Paulin Broquet, de son côté, se méfiait. Et si le trappeur épiait, le gibier allait employer la ruse.